Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux, une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional là-bas en parlant de vélo. C'était la 5e édition de vélo de montagne qui se déroulait à Alma. Et c'était évidemment marqué par l'appui. Il y a quand même des athlètes du club Vélo 2 Max qui ont bien fait au cours de la dernière fin de semaine. Entre autres, dans la catégorie Atome 9-10 ans, Zoé Tessier a remporté la victoire, suivi de Raphaël Coulon qui a terminé au deuxième rang. Fait à noter, au niveau masculin, Félix Laroche a signé un triomphe. Du côté Pee-wee 11-12 ans, féminin, Marila Aubé du club Vélo Gamic a terminé au troisième rang. Masculin de la même catégorie, Zach Dubois a pris le premier rang. Et donc, c'est ce qui s'est déroulé en fin de semaine, évidemment, à Alma, lors de cette 5e étape du circuit Mazda de course à pied. On va parler maintenant du côté du soccer. Il y avait des matchs qui nous intéressaient hier dans les différentes ligues. D'abord, victoire du FC du Fjord 3-2 sur le FC de Saint-Félicien dans un match de la catégorie U14. U14 également, victoire de Jean Dumas 5-0 sur le Chinook de Chicoutimi. Le FC du Fjord dans la catégorie senior masculin a plutôt gagné 3-2 contre le FC de Saint-Félicien. Gain également du côté senior Jean Dumas Ford de Roberval 2-1 sur le FC de Saint-Félicien dans un match de la catégorie senior féminin. Également, fait à noter, victoire du Chinook de Chicoutimi 4-1 sur le FC du lac de Roberval. Et je termine avec un match de hockey qui se déroulait, c'était la grande finale de la Coupe Ivan Linka qui se déroulait en fin de semaine en République tchèque. Et le Canada a perdu contre la Russie par la marque de 3-2. Fait à noter que Hendrix Lapierre des Saguenay de Chicoutimi, dans ce match, a amassé une passe dans la défaite. Le sport local et régional, à donradiosport.com. On s'en occupe.